Du coup, Thomas Minier, bonjour. Bonjour. On est ici du coup pour un entretien qui se passe dans le cadre de mon mémoire qui porte sur le réenchantement du livre par des pratiques. Est-ce que tu pourrais nous faire une toute petite présentation rapide de ton travail dans le domaine du livre? Ok, donc moi je m'appelle Thomas Munier, je suis auteur de jeux de rôle, romancier, poète, donc du coup voilà mes contributions autour du livre sont sur ces trois médias quoi, principalement. Et donc là ça fait j'ai fait donc une expérience de création de livres artisanaux qui a duré quelques années. J'ai pas les années en tête. C'est pas grave. Voilà, où l'idée c'est que au départ j'ai fait des publications en auto-édition, en impression à la demande sur la plateforme lulu.com. Et puis un peu dans la foulée m'est venue l'idée en fait suite à mon intérêt pour le fanzine et aussi pour la reliure artisanale. Est venue l'idée en fait de proposer une version de tout mon catalogue était proposé donc avec une version en livre artisanal. Donc l'idée c'était que en fait je prenais à peu près le même document que le document qui allait pour l'édition d'impression à la demande quoi. Et donc j'imprimais sur une grosse imprimante c'était Epson je sais plus la marque. Enfin, c'est une grosse Epson, une grosse jet d'encre qui était conçue pour imprimer quand même des volumes intéressants, quoi. Et donc l'idée c'est que j'imprimais le livre et donc c'est et je massicotais les pages en deux, je perçais, je faisais une reliure japonaise. Et donc après, généralement, le livre était très personnalisé, donc avec beaucoup d'inserts, notamment de pages qui n'existaient pas en fait dans le livre édité, quoi. Donc que ce soit des trucs que je pouvais récupérer dans des livres d'art, des images, souvent pas mal d'ailleurs aussi de chutes de précédents livres. Et puis il pouvait y avoir des collages par-dessus ça. Je faisais un gros travail sur l'organique, puisque en fait essentiellement mes publications se passent dans un univers forestier. Et donc j'avais un peu l'idée de mettre des fétiches de magie noire en fait dans les livres. Donc souvent il y avait une petite j'utilisais des petites pochettes à thé là, des petites pochettes plastiques transparentes, et donc je mettais des choses un peu organiques dedans. Mais après ça pouvait être des vieux clous, des insectes morts, des lichens, des feuilles, des fleurs séchées aussi. J'avais pas mal travaillé sur la fleur séchée. Ouais, ce qui était compliqué parce que ça donnait beaucoup de volume au livre, donc je pouvais pas en mettre beaucoup. Et puis il y avait et avec beaucoup de travail aussi sur de l'agrafage, et évidemment il y avait aussi pour chaque livre il y avait une dédicace personnalisée quoi, dans le sens où bah voilà, je faisais une dédicace soit avec un dessin soit avec un collage. Et donc les couvertures, donc une fois que tu as un livre en reliure japonaise, donc ça reste un bouquin assez fragile quoi, surtout que la reliure japonaise en fait c'est fait pour des petits volumes, et moi j'imprimais quand même souvent des livres de 300 pages quoi. Et donc il fallait consolider ça avec un dos quoi. Et alors le dos c'est vraiment du bricolage. Alors, moi c'était avec du scotch, souvent du carton, du scotch double face et tout. Et généralement on allait poursuivre l'expérience du livre artisanal aussi dans l'enveloppe. Puisque du coup, assez souvent, en fait, j'emballais en fait, j'avais une sorte d'emballage cadeau pour les livres, quoi, qui était fait avec des chutes de mes anciens livres, avec tous mes photomontages, tout ça. Et donc les chutes sont intéressantes, c'était très intéressant de travailler la chute, parce qu'il y avait beaucoup de, notamment beaucoup de marques de perçage, en fait. Donc ça donnait un côté vieilli, au livre. Et puis donc je faisais comme ça ce paquet cadeau, et ce paquet cadeau lui-même était mis dans une enveloppe, et assez régulièrement, surtout que j'utilisais beaucoup d'enveloppes recyclées, c'était des enveloppes qui avaient déjà servi pour d'autres envois, quoi. Et donc, je refaisais du collage pour cacher l'expéditeur et pour mettre mon. Et j'avais tendance à faire aussi donc, des collages aussi sur l'enveloppe, à personnaliser aussi bah, l'écriture de l'adresse. Donc, je pouvais mettre des petits dessins ou des choses comme ça. Et donc, grosso modo, ça, la réalisation d'un livre artisanal, en moyenne, ça me prenait 2 à 3 heures, quoi. Ok. Je pense que le livre artisanal, on pourra peut-être y refaire une incise après pour juste boucler pour la présentation initiale. Ouais. J'avais une petite question. T'as quoi... Enfin, visiblement t'as un intérêt pour le livre un peu t'es rentré enfin c'est quoi ton rapport au livre c'est-à-dire que t'es enfin par exemple moi je sais que dans ma famille c'est une sorte d'institution c'est-à-dire qu'un mur est là pour avoir une bibliothèque dedans devant et tout dedans toi c'est quoi ton rapport au livre que ce soit familial ou même toi voilà. C'est la punkitude. C'est-à-dire que... Enfin, de toute façon, si tu veux comprendre ma démarche, il faut forcément s'intéresser au mouvement punk. Mm-hmm. Puisque, bon, on en reviendra plus tard, mais l'esthétique de mes livres et le principe du livre artisanal est très très inspiré des fanzines punk des années 70-80. Et moi, si tu veux, un livre, il est fait pour être lu, c'est pas un objet... à muséifier dans sa maison, quoi. Donc, c'est-à-dire que je prends pas beaucoup soin de mes livres, hein, faut bien reconnaître. Ils sont dans les toilettes pour que je puisse les lire. Enfin, voilà, ils vont se trimballer dans les sacs, ils vont être gondolés, tout ça, machin. Et systématiquement, quand j'ai fini de lire le livre, je l'offre à quelqu'un, quoi. L'idée, c'est que le livre tourne. Et pareil, j'ai une grosse répugnance à acheter des livres. Pour des raisons de frugalité, et puis aussi parce que justement j'aime bien être dans cette démarche de la gratuité, quoi. Et donc je vais beaucoup me fournir, tu vois, en boîte à livres, et puis je vais pas mal insister pour qu'on m'offre des livres, pour récupérer des livres d'occasion, tout ça, quoi. Là, je fétichise pas du tout, enfin, en fait, si, c'est une façon de fétichiser le livre, mais du coup, en faisant un objet vivant, au contraire, tu vois, c'est une culture plus organique du livre que cette culture de la muséification très très présente dans le jeu de rôle, quoi, où il faut effectivement, mais après, chez le bibliophile aussi, mais les rôlistes sont sont super bibliophiles, quoi, et donc avec une belle étagère, genre... starter. Ouais, c'est ça, ou genre celui qui achète les jeux, enfin, sur le forum Casusno, pour te donner un exemple de l'inverse total de ma démarche, sur le forum Casusno, bon, il y a un topic, justement, bah, vraiment de bibliophilie, on est totalement là-dedans, même si c'est autour du jeu de rôle, mais c'est vraiment cette histoire sur l'objet livre, et donc il y en avait un qui témoignait qu'il achetait toujours les livres de jeu de rôle en 3 exemplaires. Un exemplaire pour lire et pour jouer, un exemplaire pour prêter, et un exemplaire qui sortait jamais du cello et qui était archivé pour éventuellement le revendre plus tard ou tout simplement pour qu'il survive à l'apocalypse, je ne sais pas quoi. D'accord, mais c'est... Est-ce que du coup, il y a ce... Parce que du coup, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as un rapport au livre qui est plus une... Parce que tu as une... Organique, ouais. Organique, et tu as une démarche qui, à l'origine, est une... Enfin, la façon d'accéder à tes textes, c'est particulière. On part d'une mise à disposition totale en numérique. Bon, il y a toute une démarche sur le rapport au droit d'auteur. Donc, techniquement, la version brute de ton travail, c'est plutôt du numérique. Et le livre arrive dans un second temps, j'ai l'impression. Et par exemple, tu parlais tout à l'heure d'impression à la demande. D'un côté, tu as le livre artisanal où tu fais exactement ce que tu veux. Et là, on est vraiment sur. On est à la limite. Enfin, on est presque sur du livre d'artiste. On est totalement sur du livre d'artiste. Surtout que dans ma conception, tu vois, le jeu de rôle, c'est de l'art. Donc, déjà, le matériau à l'intérieur est artistique. Et oui, pour moi, c'est le livre d'artiste, c'est une référence. Quoi. J'ai pas honte de dire que ça en est. Même si, par ailleurs, mon travail est très, très amateur. Quoi. J'ai pas de formation ni en reliure, ni même en art. Quoi. Donc, on est plutôt sur une démarche punk, c'est-à-dire je fais sans compétences. Quoi. Mais en fait, pour moi, l'intention artistique n'a pas vraiment quelque chose à voir avec la compétence plus artisanale, avec la technique, en fait. que le du coup d'un côté t'as ça qui est vraiment au niveau du livre artisanal. Moi je sais que par exemple S'échapper des faubourgs que tu m'avais fait, la moitié du livre est à l'envers. Donc pendant 3 jours je me suis demandé si j'étais tout à fait débile, j'arrivais pas à lire, ou alors s'il fallait un génie intégral. Et en fait non, c'était juste une enfin c'était une sorte de ponctuation dans le process de création. Et de l'autre côté il y a Lulu qui toi te dégage de tout process de création, donc ça te va dans la diffusion, et en même temps qui sont des livres ultra cliniques sur lesquels t'as absolument pas la main. Donc c'est Lulu, c'est par exemple Lulu, est-ce que c'était un est-ce que c'était vol enfin est-ce que c'est une façon de se débarrasser du problème, ou est-ce que c'était enfin tu te dis bon c'est. Alors, j'ai un tout petit peu nuancé avant de parler de Lulu. Pour moi, l'approche punk était quand même présente dans les livres intégrés. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de S'échapper des faubourgs, si tu vas sur le PDF et aussi sur la version Lulu, puisque c'est les mêmes documents, hein, en fait, il y a déjà une partie des pages qui sont à l'envers. D'accord, ok. Donc je suis cinglé, mais pas trop. Voilà. D'accord. Mais par contre, évidemment, quand on est sur le livre artisanal, on va intensifier la démarche. L'idée, c'est vraiment que ça acquiert vraiment une dimension supplémentaire. Donc, je suis à peu près sûr que j'ai, pour ton exemplaire, j'ai accentué le côté d'inverser des pages et tout. J'ai sans doute fait plus, quoi. Du coup par rapport au enfin peut-être c'est Alors, oui ouais, donc, désolé sur Lulu, ouais. oui Lulu Pour te répondre sur Lulu, je pense qu'il faut être un petit peu. Alors, bon. C'est un peu un pis-aller, on va dire, quoi. D'un côté, il y a des choses qui intéressaient beaucoup sur Lulu. Bah déjà, c'était très émancipateur de se dire, bah, en fait, j'ai une idée, j'écris, un mois plus tard, j'ai un bouquin et je peux le mettre sur un catalogue et personne ne viendra me dire que je suis pas légitime et puis j'aurai pas à faire la démarche de démarcher un éditeur, tout ça, machin. Donc, bah, toujours sur le côté punk, le côté, toi, tout le monde peut créer, il y a aucune barrière, t'as une idée, tu le fais tout de suite, ça sort, quoi. Donc ça, c'est vraiment très plaisant. Je trouve qu'il y a un côté vraiment émancipateur dans Lulu. Bon, en plus le fait que du coup je pouvais faire du prix coûtant, ça c'était important. C'est très difficile de faire ça avec un éditeur, bon, pour des raisons qui paraissent évidentes. Je pense même des éditeurs associatifs très engagés, même pour eux, je pense que ça va être enfin, c'est possible, mais c'est quand même compliqué de faire du prix coûtant, quoi. En tout cas, j'ai jamais vu ça se faire, quoi, chez des éditeurs, quoi. J'ai vu que des auto-éditeurs faire du prix coûtant jusqu'à présent. Mais de l'autre, c'est vrai qu'on a. Lui, il y a effectivement une certaine pauvreté dans les formats, dans les choix de papier, dans la. Sur les couvertures, bah, en fait. T'as très peu de choix aussi sur les couvertures, quoi. En plus, ça dépend de. Par exemple, moi, je fais du A4. Et en fait, quand tu fais du A4 sur Lulu, tu peux pas avoir une couverture rigide. C'est juste pas permis, quoi. Et pour des raisons juste que Lulu, ils veulent pas s'embêter à faire 15 milliards de formats, quoi. Parce que techniquement, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est vrai. Mais après, à la rigueur. Le compromis que j'ai avec ça, c'est vrai que c'est pas ouf, et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant je vais quand même plus aller vers des éditeurs, petit à petit, pour quand même retrouver un peu du beau livre, ne serait-ce aussi pour ça, peut-être que je prends de l'âge et tout, envie de concrétiser un peu plus cette œuvre-là, parce que c'est vrai que le livre Lulu, il a ce côté industriel et un peu. Un peu genre impermanent, intangible presque, surtout du fait de sa fragilité. Enfin, c'est vrai que les bouquins Ah, Lulu sont. c'est. Les couvertures Lulu, enfin, les pouces, je ferai pas la bonne pub, mais elles sont fragiles, elles sont tout de suite Oui. niquées. Enfin, le papier, il est pas. Enfin, il a, le papier n'a pas de personnalité. Enfin, c'est vrai que c'est pas des. Enfin, si t'es bibliophile, il y a pas mal de gens, je pense même que ça leur fait mal au cœur de prendre des bouquins parce qu'ils sont sur Lulu, quoi. Ah oui, tout à fait, je confirme. Mais de l'autre, après, De l'autre, normal. il y a ce côté. Tu maintiens ce côté punk de dire, mais en fait, mais on s'en fout, c'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et tout, et nous embête pas. Donc, en fait, tu vois, j'ai plein de paradoxes que j'ai Ouais. pas à solutionner, en fait. Oui, ça c'est normal. Et du coup, en termes de. Parce que tes livres, du coup, quand des gens les reçoivent, ton but c'est de transmettre une information, de transmettre une expérience, parce qu'en même temps, tu as une Mmh. pratique du jeu de rôle qui est, par exemple, à la différence de jeux comme Donjons et Dragons, des jeux avec des systèmes de règles ultra rodés, où on sait exactement où on va, où on est limite dans un MMORPG, enfin, on est limite dans un jeu vidéo juste avec des dés. Toi, quand on lit tes livres, on a déjà une expérience, enfin, moi je trouve qu'on a déjà une expérience en soi, et même moi, la plupart du temps, je lis tes livres. À la fin, je me dis, je ne ferai jamais ça. Odyssée, par exemple, 24 heures de partie de JDR non-stop, avec des gens qui passent, c'est l'enfer. D'un point de vue technique, c'est l'enfer. Et en même temps, une fois que je l'ai lu, ce que j'en ai lu me suffit, d'une certaine façon, parce que moi, c'est ma façon de gérer le jeu de rôle, mais ça suffit. Est-ce que toi, tes livres, c'est fait du coup pour juste passer une information, passer des règles, de façon très, très technique, ou alors est-ce qu'il y a une idée de transmission, sachant que on va peut-être, si ça te va, on peut peut-être ensuite passer. Sur le rapport à la mémoire qu'il y a dans tes bouquins, voilà, enfin voilà. Le livre, où doit-il aller? Bah, je pense que si tu veux, je suis comment? Enfin, c'est très très vaste, donc je vais un tout petit Oui. peu, je vais sans doute faire une focale. Attends, je vais retrouver mes moyens. Je pense qu'au départ, si tu veux, comme beaucoup, j'ai vraiment fantasmé le jeu de rôle comme la littérature ergodique. La littérature ergodique, on peut aussi appeler ça littérature potentielle. C'est un concept, en fait. Alors, ergodique, c'est l'effort, en fait. La littérature ergodique, c'est une forme de littérature que tu apprécies parce que tu dois faire un effort pour rentrer dedans. Et en fait, concrètement, pour sortir du jeu de rôle, c'est tout ce qui est comment univers un peu encyclopédique, par exemple, le je crois c'est le monde A de François Place. Il y a un peu ce côté-là aussi dans, tu sais, les bouquins d'encyclopédie des cités obscures de Schouten et Peters, donc il y a les bandes dessinées d'un côté, mais tu vas aussi trouver plus des encyclopédies qui vont t'expliquer l'univers avec des illustrations, mais aussi beaucoup de contexte, quoi. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, de narration, c'est une encyclopédie, quoi. Alors certes, écrite de façon très immersive, très poétique, tout ça et tout, mais y a pas, c'est pour ça que j'appelle ça aussi la lecture potentielle, quoi. C'est qu'on n'a pas cette approche traditionnelle du récit où il y a un seul récit, il y a un million de ferments de récits, et c'est au lectorat en fait de faire un travail interprétatif intense pour imaginer en fait les histoires potentielles qui pourraient jaillir de ces univers. Ce travail, on le fait dans un premier temps en lisant, quoi. C'est pour ça qu'il y a énormément de rôlistes en fait qui peuvent se contenter de lire les manuels de jeux de rôle. C'est déjà une expérience gratifiante en soi, et je pense qu'il faut penser à eux quand on écrit des bouquins de jeux de rôle. Enfin, c'est pas une trahison. Ils font pas une trahison de ce qu'est le jeu de rôle en se contentant d'en faire une lecture ergodique, quoi. On a vu sur La Forge un peu une critique comme ça de ces jeux qui étaient faits pour être lus et non pour être joués, quoi. Je pense que c'est un peu sinon condescendant, mais au moins dogmatique, quoi. C'est une approche qui m'intéresse, mais par ailleurs, bah, à travers mon expérience de ce que ça pouvait être, je suis remarqué que effectivement, en termes de transmission, bah, ergodique, voilà, c'est effort, quoi. Et c'est vrai que c'est, en fait, quand on veut produire un univers riche, comme c'est mon objectif, et qu'on écrit bah, son jeu de rôle sous forme d'encyclopédie, c'est un énorme coup d'entrée en fait pour le public, notamment les MJ, mais encore plus si on est sans MJ, parce que jusqu'à présent il y a assez peu, j'en parlais tout à l'heure, mais ce fait même de devoir lire le livre pour pouvoir jouer est très handicapant dans le cadre du jeu sans MJ. Puisque du coup, il faut qu'il y ait une facilitatrice qui ait lu le livre et qui transmette oralement le livre en faisant souvent. Soit elle est obligée de faire énormément d'omissions, soit on doit se contraindre à des formats très courts. La plupart des jeux sans MJ, en fait, sont des jeux très courts, tout simplement parce que derrière, il y a une personne qui va restituer l'information, donc on peut pas, c'est très difficile. Moi, quand j'ai fait Inforenza, qui est un jeu sans MJ qui fait 300 pages, en fait, il y a très peu d'équivalents dans le paysage. Il y a peut-être Fiasco, où ils ont fait tout un recueil de scénarios, donc je pense qu'éventuellement, les éditions les plus. Comment les éditions les plus gourmandes de Fiasco peuvent atteindre cette taille, mais c'est vraiment un ovni dans le paysage du jeu sans MJ, quoi. Et donc, du coup, assez rapidement, j'ai quand même voulu réfléchir à la transmission, parce que c'est que les gens se baladent, fassent une balade mentale en lisant, c'est super, mais je veux aussi effectivement qu'on puisse jouer et qu'on puisse vraiment, voilà, jouer dans l'univers, quoi. Et donc j'ai de plus en plus travaillé sur le principe du plug and, du plug and play, quoi, hein. Et donc ça fonctionne par ça a fonctionné déjà par une numérisation, en fait, de mes livres. C'est-à-dire que, du coup, je les ai mis sous format sur un site qui s'appelle Chartopia, qui est un site de tablélatoire. Tu peux travailler sur l'hypertextualité. Et en fait, tu vas naviguer dans la narration, dans le scénario, juste en faisant des clics, des liens hypertextes. J'ai beaucoup travaillé sur la rédaction de scénario, comme des livres dont vous êtes le héros. Fait que tu n'es pas obligé de lire le scénario avant de jouer, tu le découvres au fur et à mesure, tu vois. Et là, actuellement, je suis sur un énorme projet qui s'appelle Biomass, qui est l'idée de transformer justement le site univers encyclopédique, qui est très vaste, hein. On parle de 150 000 mots de notes, hein. De notes brutes, hein. Donc ça veut dire que ça prend du volume pour le mettre en narration. Et en fait, j'ai un game design comme ça, pour mettre tout ça en jeu. Et du coup, ça, le fantasme derrière tout ça, c'est d'avoir vraiment un gros livre qui fera peut-être 500, peut-être 1000 pages, mais que tu peux jouer sans aucune lecture préalable. D'accord. Okay. En fait, tu navigues dedans comme dans un livre dont vous êtes le héros, okay. Et tu peux jouer sans MJ, tu peux jouer solo et tout, avec l'idée, c'est de procurer une expérience que j'appelle l'ivresse exploratoire, quoi. Ok. De vraiment, on va explorer un univers, on sait pas du tout où on va, qu'est-ce qui va se passer, et on découvre en même temps que les personnages, on découvre ce qui va arriver. Et l'idée, c'est de... c'est aussi pour ça que, voilà, le format livre, est-ce que c'est le format... Le format roi pour la transmission, j'en suis pas sûr. Moi, l'idée, si tu veux, c'est que cette encyclopédie... ce qui serait génial, en fait, enfin, déjà je peux la mettre sur Chartopia, mais je pense que le mieux encore, c'est que ça soit vraiment, en fait, sur une application pour téléphone mobile. Et donc tu lances l'application et tu peux jouer, comme ça tu as toujours le jeu sur toi, et en fait tu pourrais te trimballer un univers de jeu de rôle quand même très ambitieux juste sur une application téléphonique, quoi. Parce qu'en fait toi, ta question c'est moins de réfléchir à l'expérience du public dans le livre, plutôt que de faire du livre à un endroit où on est censé passer le moins de temps possible. Le livre c'est une sorte d'obstacle au jeu, si je te comprends bien. On peut le voir comme ça. Après, du coup, je renonce pas au livre. Parce que moi, je pense que c'est important que ce bouquin, par exemple, de 500 pages, il existe, pour que des gens puissent le lire et quand même avoir cette expérience ergodique qui, je rappelle, pour moi, lire un jeu de rôle, c'est déjà faire du jeu de rôle. Oui. Donc, c'est pas du tout une expérience qu'on va laisser de côté, abandonner, quoi. Donc, le format livre existera quand même, quoi. Okay. Mais pour moi, il faut qu'il y ait cet outil complémentaire qui va être l'application, quoi. Le but, enfin, quand tu, donc oui, l'idée de ce livre, c'est soit une passerelle, et du coup, d'une certaine façon, d'aller plus vers un support qui va vers le joueur plutôt que le joueur doit se faire violence, ouvrir c'est le ça, livre ouais. dedans. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Pour revenir juste vers le livre artisanal, t'as eu quoi comme retour dessus? De la part, je sais pas, de la part des gens qui t'en ont commandé, de la part des gens qui suivent ton travail et qui n'ont pas osé te le commander. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu une sorte de... Voilà, il y a eu un frein comme ça. Et même, extrapolons, venant du monde extérieur, de gens qui ne sont pas dans le jeu de rôle, si t'as eu des retours de professionnels du jeu de rôle, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as dit? Enfin, les retours du monde. Je pense que c'est important de préciser que c'est resté une expérience assez confidentielle. Ouais. Genre, j'ai fait un bilan sur mon blog, il y a un peu les chiffres. Là, je ne peux pas te les dire de tête. Mais je crois que, déjà, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait moins que 100, peut-être 75 ou 50. Ouais. Donc j'ai quand même eu peu de commandes, hein. Le premier retour que tu as déjà, c'est quand la personne fixe le prix, puisqu'ils sont un prix libre, c'est un prix libre et artisanal. En fait, ce premier retour, c'est quand la personne justement te dit je vais te le prendre pour telle somme, quoi. Ça marque déjà, en fait. Bah après, bon, c'est quelqu'un peut donner 5 euros pour le bouquin et vraiment beaucoup aimer ton bouquin, hein, c'est pas forcément mais bon, de même qu'il y a quand même l'idée, c'était quand même aussi de mettre en place une opération de mécénat, quoi, hein. Clairement. Donc du coup, en faisant du prix libre, ben des fois je le vendais à 10 euros et des fois je le vendais à 100, le même bouquin. Et en général, mon engagement, c'était pas de faire si j'avais vendu un livre très cher, c'était pas de faire forcément un effort supplémentaire, quoi. Le livre n'avait pas été. Je considérais que la personne qui a décidé de mettre 100 € dans le livre était dans une démarche de mécénat, quoi. Après, bon, généralement, j'ai eu des retours assez enthousiastes, quoi. L'idée, c'est de créer une expérience profonde avec le lecteur, la lectrice, quoi. Parce que là, on n'est plus dans ce rapport industriel du livre classique, quoi. On est dans voilà, j'ai passé 3 heures pour te faire un livre, quoi. Je pense que ça permettait des échanges assez intenses. Je pense que si je m'amuse à retourner, si tu veux, à retourner dans ma compta, puis voir les noms des gens qui m'ont acheté des livres, je vais retrouver des personnes qui sont très importantes, en fait, dans mon parcours, quoi. Oui. Après, il y avait effectivement de multiples freins. Déjà, c'est vrai que ce prix libre, c'était pas facile pour tout le monde, parce que c'est difficile, effectivement, de fixer un prix quand on connaît pas soi-même combien ça coûte un livre, quoi. Hein. Et ça force un contact. C'est ça. L'idée, c'était de forcer un échange et en même temps, justement, du coup, de sensibiliser sur ce que ça représentait vraiment de créer un livre. Et donc, du coup, il y avait plusieurs personnes, dont toi, qui m'avaient dit « Mais moi, je ne sais pas quel prix mettre. » Et avec deux questions, c'était « Combien te coûtent tes matériaux ?» Combien ça coûte à produire et combien de temps tu passes dessus. Donc du coup, j'avais chiffré, en fait. J'avais chiffré, je dis, voilà, tel livre, ça me coûte à peu près autant... Ah, c'est des estimations. Oui, bien sûr. Ça me coûte tant de matériaux, et je mettais les heures de travail que je mettais par livre. Donc évidemment, tu vois, un 300 pages, j'allais mettre 3 heures. Un 100 pages, j'allais plutôt mettre 1 heure, quoi. Enfin, c'était à peu près, voilà, une heure pour 100 pages, quoi, grosso modo. Et je mettais aussi, ça c'était important pour moi dans cette démarche de sensibilisation, je mettais un nombre d'heures au prorata du temps que j'ai passé à créer le jeu, à le tester, à le jouer. Et donc je disais, on est vraiment dans le pifomètre, mais je disais, bon voilà, par exemple un Inflorenza, si tu m'achètes un Inflorenza, donc tu m'achètes pour 5, allez, on va dire 10 € de matériaux, tu m'achètes 3 heures de travail pour la création du livre, et tu m'achètes 5 heures de travail pour la comment pour la le, bah, le fait que j'ai créé Inforenza, que je l'ai testé, que je l'ai écrit, que j'ai passé du temps pour créer le livre en lui-même, quoi. Donc ça, c'était une sorte de prorata un peu au pifomètre, mais juste pour sensibiliser sur ça, quoi. Parce que moi, la production industrielle de livres fait considérer le livre comme un objet, et on a du mal à voir le temps qui est passé, quoi. Alors que c'est colossal, en fait, le temps qu'il faut pour écrire un livre. Il y a très peu de personnes qui arrivent à écrire un livre en moins d'un an, et un an, je pense qu'on est sur plutôt la tranche basse, quoi, hein. Voilà, moi c'est plutôt 5 ans, hein, pour écrire un livre, quoi. Après, j'en écris plein de front, quoi, mais du coup, fait que je mets 5 ans pour écrire un livre, quoi. Et donc, c'était important de remettre ça sur le tapis. Après, la conclusion, et je pense qu'on peut inclure ça dans la notion de retour, il y a un moment, donc, il y a deux choses. Il y a un moment où j'ai arrêté, en fait, de faire des livres artisanaux, tout simplement à cause du temps que ça me prenait, justement, à 3 heures sur un livre. Et en fait, je me disais, l'idée, c'est que cette œuvre dédicacée, tu vois, elle était en concurrence avec l'œuvre dans sa globalité, quoi. Je disais, oui, mais si je veux aboutir cet univers de Milvaux, si je veux aboutir mes 10, si je vais les offrir au plus grand nombre, il faut que je passe du temps, en fait, en réalité, sur une écriture industrielle, sur une écriture qui peut être dupliquée et adressée au plus grand nombre. Et donc, 3 heures, en fait, que je passe avec une seule personne, tu vois, pour lui dédier un livre... Eh bien, c'est 3 heures que je ne passe pas à avancer sur un autre livre qui pourrait profiter à beaucoup plus de personnes, et qui pourrait avoir aussi une trace, enfin une durabilité dans le temps, quoi. Donc, c'est la raison principale, hein, pour laquelle j'ai abandonné les livres artisanaux. Et quelques temps après, je me suis dit, je vais quand même faire le bilan comptable. Est-ce que c'était intéressant? Parce que, en fait, quand je me suis lancé dans l'artisanal, il y a un moment, j'avais fantasmé que c'était ça qui allait être, qui allait me financer en tant qu'auteur. Je t'ai dit, oui, en fait, voilà, si je vends tant de livres artisanaux par mois et tout, que je fais telle marge dessus par rapport à ce que ça va me coûter, ouais, en fait, je peux me sortir un SMIC par mois. Guess what, en fait, j'étais déficitaire. L'opération livre artisanaux, bon, déjà, les volumes n'étaient pas du tout compatibles avec l'idée d'en sortir un revenu mensuel. Hein. Il n'y avait vraiment pas assez de commandes pour ça. Et je pense que c'est très bien parce que ça veut dire que j'aurais pas pu écrire en fait, j'aurais fait que ça, que des livres artisanaux quoi. Et en fait, en termes de bilan financier, donc sur ces 75 livres artisanaux, alors je sais plus, je mets les chiffres pareil sur le blog, mais je crois que c'est moins 500 euros quoi, j'ai perdu 500 euros quoi. D'accord. Donc c'était pas du tout rentable. Après, je regrette pas d'avoir fait, ça a été un moment de démarche artistique totale quoi. De rapport intense avec le public, d'exploration de mes propres limites artistiques, avec, on l'a assez peu évoqué, mais moi, surtout dans les premiers ouvrages, j'avais fait vraiment un travail sur la maquette, fait que la maquette elle-même soit punk, c'est très inspiré du collage et tout. Donc le fait de faire des collages numériques, de faire de l'artisanal pour ce qui est la mise en page, parce que de la mise en page sur GIMP, enfin, ce qui voilà, c'est des trucs, ceux qui connaissent un peu doivent hurler quoi. Tous les graphistes du monde sont en train de mourir actuellement, il n'y a C'est pas de souci. ça, ouais, mais je suis au courant. T'adores ça, il n'y a pas de problème. J'aime leur faire mal. Enfin, on remarque ce qui était en fait, ce qui était, si c'était à refaire, je ferais effectivement autrement, parce que l'énorme problème qu'il y avait de maqueter les pages sur GIMP, donc ça me permettait toutes les exubérances en matière de graphique, de faire du collage numérique, de déformer le texte, de couper des bouts de texte, les recoller, ça c'était très intéressant, mais le problème c'est que le texte n'est pas vectoriel sur GIMP. Et le texte s'est transformé en image, et du coup, il y a vraiment. C'est vrai que le texte est assez flingué, quoi. Donc, sur mes bouquins, le texte manque de lisibilité, parce que, en fait, et si tu zoomes sur les PDF, si tu zoomes sur le texte, tu vois qu'au bout d'un moment, ça devient pixel, quoi. Donc, c'est un peu mon regret. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais pu y penser, mais j'aurais dû faire mes maquettages images d'abord sous GIMP. Et après, utiliser un autre logiciel pour plaquer le texte dessus, mais même toujours, même PowerPoint, tu vois, aurait été mieux que. Il y a peut-être moins pire, mais dans l'idée, on comprend. Enfin, un truc qui Oui, conserve le vectoriel, tu vois. ouais. Juste parce qu'on parle d'images là, de façon générale, bon, c'est un avis personnel, mais je maintiendrai face au monde entier. L'illustration en jeu de rôle, c'est généralement pas en post. D'ailleurs, pour les grosses productions, il y a du budget sur les trois premières images qui servent à faire de la pub. L'intérieur, la maquette est généralement assez bourrine, les illustrations sont généralement assez bas de gamme. Enfin, c'est souvent, enfin, j'ai l'impression que c'est là pour illustrer au sens de vraiment signifier des mots et pas tant pour accompagner le texte. Toi, du coup, tu fais tes photomontages qui, en fait, Milvaux est difficilement dissociable de ce travail-là sur l'image. Est-ce que ça a été un choix conscient parce que parce que en soi, t'aurais pu apprendre à vaguement dessiner comme tout le monde, enfin même C'est de ça, ouais. façon moche, mais t'aurais pu faire les choses conventionnelles. T'es parti sur quelque chose de très trash, et même en punk, t'aurais pu faire du dessin punk. Donc Bah, déjà, ça a été tout simplement une. Parce que je suis tombé en amour avec l'esthétique des fanzine punk des années 80 qui fonctionnait par collage, quoi. J'adore aussi les collages de Prévert. Donc, c'est une esthétique qui me parlait. Et puis, comment. Ça me parlait aussi beaucoup dans une démarche d'amateurisme assumé et brandi, en fait, comme un étendard, quoi. Le fait de faire du photomontage plutôt que de. En plus, ça m'a permis d'explorer le monde du libre droit et tout, puisque du coup, je suis allé explorer tout ce qu'ils faisaient en libre droit de photos et tout. Et déjà, ce qui est génial, en fait, moi, je travaille beaucoup sur Flickr, et je sais pas s'il y a ça sur d'autres plateformes de photos, mais sur Flickr, généralement, tu trouves la photo, mais tu as aussi l'histoire de la photo. On sait qui est le modèle, comment il s'appelle. C'est quoi son histoire? Des stocks que je disais beaucoup, c'était un défi de photo qui existait aux États-Unis qui s'appelait le $1 portrait. Où en fait, grosso modo, c'est les photographes, ils vont voir des sans-abri, ils leur donnent $1 et en échange, ils les prennent en photo, quoi. Bon, après, on peut s'interroger sur l'éthique de la démarche, je sais pas trop, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est que ces photos de sans-abri, par exemple, elles ont un vécu qui est intense, quoi. Et généralement, il y avait toujours une petite histoire, parce que le photographe avait discuté un petit instant avec la personne sans-abri. Et donc, on avait un peu sa petite histoire, voire même des petites anecdotes, du genre, il prend le clochard en photo. Il lui donne 1 dollar, puis après le clochard il fait: est-ce que tu peux me donner 1 autre dollar, tu vois? Le photographe il fait: non, non, non, je t'ai juste payé comme modèle, je te fais pas la charité. Bon. Et donc, en fait, ces photos, elles ont une historicité. Après, peut-être que ça n'apparaît qu'à moi, parce que je vais pas forcément expliquer. Enfin, si, quand je suis au contact avec les gens, tu vois, des fois je peux leur dire: tu vois, en fait, ce gars-là, c'est un tel et tout. Enfin, il y a des personnages tellement intenses qui circulent parmi mes modèles préférés. Il y a par exemple, une soldate de l'armée américaine, qui est torse nu, en fait, qui a subi une mammectomie, suite à un cancer, en fait. Donc on la voit avec des bandages et tout. Et du coup, ça donne un côté. Et en même temps, elle a une photo, elle a une pose, elle a l'air très fière, quand même. Le côté militaire se ressent, quoi. Et ça donne un côté, du coup, aussi très non conforme dans le genre à la photo, quoi. Il y en a plein, des photos de. Comment. Des photos de personnes de Mongolie, de Chine, des personnes avec le syndrome de Down, des personnes handicapées. Et il y a des photos que j'utilise beaucoup. Alors, c'est des. Il y a 2 photos qui m'ont énormément marqué, que j'utilise, quoi. C'est des femmes indiennes, je crois, qui ont survécu à des attaques à l'acide, en fait. Donc, qui ont eu le visage vitriolé, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de donner vie à ces parcours de vie cabossés, quoi. C'est d'avoir une humanité profonde, et en fait, c'est quelque chose que tu n'as pas dans l'illustration de jeu de rôle. Dans l'illustration de jeu de rôle classique, déjà, il y a des exceptions qui confirment la règle, hein, bien sûr, mais on va dire, dans l'illustration dominante, il y a énormément d'aphrodisme. Ça veut dire que les personnages sont tous beaux, quoi. Et évidemment, ils sont tous fit, hein, c'est-à-dire que. Ah, ils n'ont pas un peu de graisse et tout. Et s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est en surpoids ou anorexique, cette personne a un rôle scénaristique comme étant la personne, d'une certaine façon, déviante ou atypique, en tout cas. Et l'idée, en fait, moi, c'est de totalement renverser la norme. Bah, déjà, c'est conforme avec le monde post-apocalyptique de Milvaux, puis avec mon inscription dans les codes du punk, de la marginalité, quoi. Je me considère moi-même comme un marginal. Et c'est, voilà, c'est de mettre ces marginaux sur le premier plan et de vous dire: c'est ça, c'est eux que vous allez jouer, en fait. C'est eux les héros, quoi. C'est pas ces personnes pures et parfaites qui sont présentées dans les manuels du jeu de rôle, qui sont toujours glamour et tout. Et par ailleurs, donc le collage numérique en lui-même, donc déjà cette notion de portrait, et le collage numérique en lui-même permet, en fait, d'avoir des images qui ne sont pas illustratives, en fait. C'est des images qui sont poétiques. Et en fait, on ne comprend pas quelle histoire il raconte, il faut faire un effort d'interprétation. Elles me permettent, en fait, de raconter quelque chose que je ne peux pas raconter par le texte. Donc souvent. Bien sûr, il y a des exceptions, mais souvent dans le jeu de rôle dominant, si tu veux, les images, elles sont au service du texte. C'est-à-dire que généralement, c'est l'auteur qui va ou l'éditeur qui va faire une commande de l'image, je veux une image assez précise qui doit illustrer le texte, quoi. Et donc, le photomontage ne peut pas, en fait, ne peut pas illustrer un texte. C'est juste pas possible, en fait. Et donc, tu vas forcément te placer dans un registre poétique et dans un registre de sens qui va se juxtaposer au sens déjà présent, quoi. Voilà. Du coup, dans Milvaux, on est donc dans un monde où l'oubli est partout. Enfin, moi, plus ça va, plus l'image que j'en garde, c'est Marchebranche, parce qu'il y a vraiment cette notion de souvenir qui est ultra forte. On est donc dans un univers où on a perdu tout ce qu'il y a derrière, la technologie se pète la gueule, et ce qui reste, c'est des artefacts, d'une certaine façon. Ce qui reste d'ailleurs. Enfin, et du coup, à ton avis, dans tes livres, par exemple, dans le temps. Enfin, qu'est-ce qui a le plus de chances de survivre? Les livres artisanaux que tu as fait ou tout le travail que tu as versé dans le numérique? En termes de, en termes de conservation de ton travail artistique, parce qu'en soi, c'est ce que tu écris, c'est ce que tu fais comme. En fait, c'est ce qui est figuré qui t'importe plus que le support. Ouais. Bah, y a un paradoxe patrimonial, si tu veux, dans mon travail. En fait, voilà, de toute façon, si je traite le sujet de la mémoire, c'est que ça m'intéresse au-delà de l'univers de Milvaux, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède. Mais j'ai un rapport très paradoxal à la notion d'héritage, de patrimoine, de conservation. C'est-à-dire que moi-même, si tu veux, la plupart du temps, mes propres livres, je les ai pas à la maison, en fait. C'est-à-dire Sur que. disque dur. Oui, sur disque dur, mais je les ai Oui, pas, tu les as. je les ai pas imprimés. Ou si ils vont rester à la maison quelques temps, puis rapidement je vais les vendre ou les offrir, et du coup ils vont ressortir quoi. Donc je n'ai jamais eu l'ensemble de mon catalogue à la maison. Enfin, c'est arrivé assez rarement quoi, en tout cas. Mais par ailleurs, c'est vrai que je suis quand même obsédé par la notion de conserver. Moi, je considère que voilà, c'est le travail d'une vie et que mon ambition, c'est que. Alors, c'est pas du tout, comment, c'est pas du tout modeste, hein, mais que c'est quelque chose qui me survive, quoi, hein, clairement. Enfin, l'idée, c'est. Moi, je m'inscris dans la démarche d'un Lovecraft, d'un Tolkien et tout. L'idée, c'est d'avoir une œuvre qui me survive très largement. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas un procédé unique qui permet de le faire. Tu as parlé des formats numériques, on a énormément de questions sur le. Effectivement, est-ce qu'on peut conserver le format numérique? C'est pas du tout acquis. Et on peut se dire que pourquoi pas le livre artisanal pourrait bénéficier d'une muséification, quoi. C'est vrai que ce serait assez ouf si un jour il pourrait y avoir une expo de musée où on pourrait retrouver des livres artisanaux, mais ça voudrait dire retrouver les collectionneurs et tout, leur racheter les livres ou leur emprunter et tout. Ce serait un peu. Mais en fait, ma démarche a été de faire feu de toute bois, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de formats, d'une. Qui fait que bah, si c'est pas le livre physique qui va survivre, c'est le livre numérique et tout. Et il y a aussi, pour moi, ce qui est très important, c'est le fait d'avoir mis dans le domaine public mon travail et d'avoir mis les PDF en téléchargement gratuit, ce qui fait que ça crée une multiplicité des sites de stockage. C'est-à-dire que si mon PDF il est téléchargé 1000 fois, bah, en fait, il y a 1000 copies dans la nature, tu vois. Donc sa durée de vie elle est augmentée par le fait qu'il est très abondamment distribué quoi. Et donc le fait de faire justement de mettre le PDF gratuit, ça va amplifier en fait, vraiment les espaces de stockage quoi. Et le libre, ça permet que l'œuvre me survive, mais pas forcément l'œuvre de ma plume quoi. Mais que l'idée de Millevaux, elle va survivre parce que par le fait que les gens se sont emparés. Et tu vois, si on peut, bah on peut aisément comparer, tu vois, Lovecraft, par exemple, à Hergé. Lovecraft, en fait, déjà de son vivant, il avait. Bon, après, bon, je sais qu'on aime bien critiquer Lovecraft, mais je vais m'attarder sur ce point patrimonial de sa biographie, quoi. Lovecraft, on l'a. Déjà de son vivant, c'était vraiment open bar pour utiliser le mythe de Cthulhu, et il y avait vraiment un jeu avec ses camarades auteurs de se faire des références et tout. Donc déjà de son vivant, il y avait énormément de textes cthuliens en fait qui étaient faits quoi. Et ce qui fait que son exécution testamentaire s'est fait dans cet esprit, même si je pense qu'il y avait des gestions de droit, mais quand même, visiblement, c'était quand même très ouvert à ce que d'autres auteurs s'en emparent. C'est comme ça que notamment Stephen King a écrit des textes Lovecraftiens, pour parler des gens qui ont écrit après la mort de Lovecraft, parmi les plus connus, il y a Abraham Lumley, il y a. C'est Ramsey Campbell, enfin non, pas Ramsey Campbell, je sais, bon, bref, il y en a un autre, mais j'oublie, enfin, il y en a pas mal. Puis bon, de toute façon, aujourd'hui, tu vois, c'est devenu là en plus avec la libération de Lovecraft dans le domaine public en 2007. Enfin, là, il est éternel, quoi, parce que la quantité de matériel Lovecraftien qui sort d'une façon industrielle, quoi, enfin, je sais pas s'il avait un but de patrimoine. Mais en tout cas, voilà, il a réussi à créer. Non, on dépasse le stade d'œuvre pour atteindre celui de mythe. Et si tu compares à Hergé, où en fait on a une gestion des droits d'auteur très rectale, hein, je suis désolé d'employer le terme, mais c'est que grosso modo, les ayants droit d'Hergé ont totalement verrouillé la possibilité de créer des nouveaux albums de Tintin. Je suis à peu près sûr que même pour faire les films, ça a dû être assez compliqué pour négocier les droits. Et donc, grosso modo, la pérennité de Tintin, ça s'est fait uniquement sur la republication des anciens ouvrages, sur les produits dérivés, le merchandising, et puis, je suppose, des ouvrages d'analyse de Tintin, quoi. Et en fait, la conclusion qui était faite, notamment par... moi, j'aime bien tout ce que... le blog Silex parle beaucoup de ça, des communs, du domaine public, toutes les notions juridiques. Et il disait, bah, en fait, ce que ça a fait, c'est que Tintin est mort, quoi. C'est que Tintin n'a pas de... Enfin, ça reste une œuvre évidemment très très connue, quoi, mais en réalité, il n'a pas du tout atteint le potentiel qu'il aurait pu atteindre s'il y avait eu plus d'ouverture dans les droits, quoi. Et déjà, tu vois, J.K. Rowling a été plus maligne en autorisant les fanfictions Harry Potter, quoi. Et puis aujourd'hui aussi, en permettant la production, enfin, j'ai l'impression qu'elle va de plus en plus vers permettre la production de contenu qu'elle-même n'a pas écrit, quoi. Alors certes, avec des gestions de droits, elle va toucher un maximum de cash là-dessus, mais il y a une gestion patrimoniale qui est beaucoup plus maligne, et du coup, on peut envisager que d'ici quelques années, on ait une sorte de Potterverse, tu vois, très étoffé, quoi. Du coup, pour boucler, là, on va une petite série de questions pour boucler, je pense. Qu'est-ce que tu penses de l'édition telle qu'elle est aujourd'hui, en termes de faire, enfin, quand tu vois ce qui se fait en livre de façon générale, que ce soit, enfin, si tu veux, tu peux cadrer sur le JDR ou sur ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te semble parfaitement passable? Est-ce que t'en as absolument rien à faire? Voilà. Qu'est-ce que Bah, c'est compliqué de t'en parler parce que c'est un monde qui m'est en fait assez finalement assez étranger, même si bon, à force quand même, je connais plein d'éditeurs, notamment en jeu de rôle, et puis moi-même, enfin, maintenant je vais aller une démarche d'aller vers les éditeurs, donc là déjà normalement on va éditer Marchebranche. Je dis pas encore chez qui, parce que pour pas porter malheur au projet, normalement Marchebranche sera édité, et puis je continue à contacter les éditeurs. D'ailleurs, s'il y en a qui m'écoutent, pouvez aussi me contacter. J'ai envie de maintenant travailler avec l'édition. Mais en fait, c'est un milieu finalement avec lequel je me suis peu favorisé, parce que j'ai eu des premières expériences assez ratées, en fait, notamment à l'époque où j'étais romancier, où mes romans étaient beaucoup refusés. Et la seule fois où un de mes romans a été accepté, j'ai pas eu l'énergie de faire la relecture qui était nécessaire. Donc j'ai des expériences très déceptives avec l'édition. C'est pas forcément la faute des éditeurs, hein, c'est plutôt que c'est pas quelque chose que j'ai bien géré, parce que j'étais trop jeune pour émotionnellement gérer le relation avec l'éditeur. Et du coup, ça a entraîné le fait que je m'en suis énormément démarqué en allant beaucoup sur l'auto-édition et sur cette approche do it yourself, quoi. Donc après, c'est vrai que du coup les préoccupations des éditeurs me sont assez étrangères. Par exemple, typiquement, le truc que je comprends pas, c'est genre même juste cognitivement, je comprends pas comment ça fonctionne. Si tu prends un fou lancement, je peux même pas je suis pas capable de comprendre comment fonctionne une page ululée. C'est-à-dire, attends, qu'est-ce qu'il faut financement payer? partif. Ouais, finissant, bah, voilà, qu'est-ce qu'il faut payer pour avoir quoi, dans lesquels délais, tu vois. C'est juste cognitivement, je suis même pas capable de comprendre comment fonctionne une souscription, quoi. Tellement je suis finalement assez éloigné. Mais après, bon, maintenant je m'en rapprocher. Là, par exemple, sur Marchebranche, c'est vraiment une expérience hyper gratifiante de bosser avec une éditrice qui aime le projet, en fait. C'est vraiment pas du tout uniquement un partenariat pour qu'un... Enfin, c'est vraiment... On est entre passionnés, et qui va faire un travail de curation du livre qui est super intéressant. C'est-à-dire que Marchebranche va édité est beaucoup mieux que le premier jet que j'ai envoyé à la maison d'édition, quoi. Donc ça, c'est sur ce type de collaboration que je veux aller, où on va vraiment avoir un rapport d'égal à égal avec l'éditeur, et avoir un travail de curation du livre pour, bah, tout simplement pour avoir offrir la meilleure expérience au final, quoi, et pouvoir profiter, bah, de compétences que moi j'ai pas, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais espérer par rapport à ce rapport au livre de façon générale pour, disons, les 20 prochaines années, sachant qu'on est actuellement dans un contexte de réflexion, enfin, avec tout ce qu'on a de contraintes énergétiques, de réflexion sur les changements de modèle, sur C'est que ça, oui. le. Enfin, partant du principe qu'il va quand même y avoir une évolution sociétale dans un sens ou dans l'autre, voilà, de façon générale, quelle ta liste au Père Noël ou... Bah, c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, déjà, là, actuellement, on a des enjeux d'explosion du prix du livre à cause du papier, quoi. Donc je pense que là, enfin, je pense qu'il y aura malheureusement une apocalypse éditoriale, quoi. Hein. Je pense que on va en passer par là. Et c'est pas du tout quelque chose que je souhaite, mais c'est quelque chose qui va arriver, qui, à mon avis, de toute façon, va surtout toucher les petits éditeurs, quoi. Donc ça m'attriste. Bah, je pense que cette histoire du prix du papier, ça va s'aborder la petite édition, quoi. Et ça, il n'y a que les gros qui vont survivre, quoi. Ça me chagrine un petit peu, quoi, évidemment. Après, il y a d'autres problématiques comme effectivement la provenance du papier et tout. C'est évident que bah, si je dois travailler avec des éditeurs, on va être obligé, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence. Miivo, c'est un jeu de rôle qui est écologique en fait, clairement quoi. Et donc, si on sort un livre qui est pas imprimé, tu vois, sur des forêts gérées durablement, enfin, à partir de forêts gérées durablement, par exemple, bah, on a un gros problème de cohérence quoi. Donc il y a une nécessité de s'intéresser sur quoi on imprime et pas juste la Bah forme. oui, tout à Oui. fait, ça fait. On est obligé, oui. Et puis après, c'est vrai que moi, je pars sur des dématérialisations. Je pense que. Après, on est très peu à faire ça. J'ai l'impression qu'on est très peu à faire ça, mais moi, je pense que dans très peu de temps, si tu veux, d'une, il y aura beaucoup moins de livres et beaucoup plus d'applications, quoi, sur téléphone mobile ou sur tablette, quoi. Je parle pas de PDF, je parle bien d'applications, quoi, donc des choses vraiment Genre interactives, Kindle, quoi. genre vraiment des applications où tu peux, enfin où Kindle. le format a été imaginé pour le device et Oui, c'est pas ça, pour mais le surtout faire avec force. énormément de bah, avec bah tu vois moi mes bouquins je les construis comme des jeux de actuellement j'ai construit comme un livre dont vous êtes les héros, donc avec énormément d'hypertextualité et tout, avec des liens internet aussi qui permettent d'aller d'un jeu à une autre, et avec les possibilités tu es dans l'application et tu peux télécharger une autre parce que tu arrives dans un module, si tu veux le module tu vas télécharger, voilà. Et puis avec on va intégrer de toute façon le laboratoire, si tu veux, le laboratoire qui nous montre là vers où on va aller, c'est les unlock, les escape games, avec tout le travail sur l'application, où du coup on va avoir des éléments de sonorisation, des passages d'images, des passages vidéo, voire même des passages des moments de jeux vidéo, quoi. Donc, ça va. Je pense qu'il y aura toujours le livre, mais on va être de plus en plus sur du coup. Alors, du fétichisme, je dis pas, pour moi c'est pas négatif hein, dans ma bouche, mais sur ceux qui resteront sur le livre, ce sera idéologique en fait, parce que le format dominant il sera numérique. Ok, et du Bon, coup, avec les problèmes de oui. durabilité aussi hein, Oui, que ça pose hein, oui, sans doute encore plus que le livre hein. oui. Du coup, est-ce que tu aurais des... que ce soit par exemple sur cette logique que tu avais avec le livre artisanal, les choses, ou autre, est-ce que tu as des travaux, enfin, tu as des gens qui créent des choses que tu aimerais dire, ou qui t'intéressent particulièrement, ou des auteurs, ou voilà. Bah moi, je pense qu'il faut s'intéresser à un bouquin qui s'appelle Fanzine, la révolution du do-it-yourself de Tiltrix. Justement, bah, c'est le bouquin par lequel tout a commencé, quoi. Donc, c'est un énorme bouquin illustré avec énormément d'extraits de fanzine, quoi. Et donc, toute l'esthétique est là, et l'explication de la démarche et tout. Donc, une bonne partie de mon idéologie créatrice vient de ce livre. Après, il y a un petit peu polémique, malheureusement, parce que j'ai découvert après sur le tard que Tiltrix n'était pas forcément très respectueuse, je crois que c'est une femme, hein, très respectueuse des droits, c'est-à-dire qu'elle a, en fait, elle a mis beaucoup de reproductions, dans le bouquin, il y a beaucoup de reproductions de fanzines qui sont en sa possession, mais sans forcément être allée retrouver, en fait, les auteurs et leur avoir demandé la permission de. Donc, un petit peu si tu veux, sa volonté d'archiver, de témoigner, en fait, de cette période, a un peu supplanté entre guillemets le respect des droits et tout, donc bon, ça c'est des polémiques évidemment, mais pour moi ça reste un bouquin mais vraiment puissant, incontournable quoi. Et tu parlais de cette idée de parcourir un livre de jeu et que ça soit déjà une expérience en soi. Est-ce que tu as deux, trois, enfin un ou deux exemples qui te viennent en tête comme ça? De par Par exemple, oui, de ce que tu disais tout à l'heure sur cette idée que parcourir le livre de jeu, c'est déjà suffisant pour avoir une expérience en soi. Ah bah En dehors de tes livres, ça sera ah pour en dehors, en après. dehors, en Ah, dehors ça ouais. sera Ah, parce que après. c'est pas fini. Non, c'est la dernière. Ok. Ouais, de la lecture ergodique sur après moi je crois mes plaisirs ergodiques je les ai plus eu sur des livres encyclopédiques hein. Je t'ai parlé de D'accord. François Place, de Skuyten et Peters. Après, je pense que du coup, l'âge doit vraiment être satisfaisant. C'est sûr, je l'ai malheureusement pas lu, mais un livre qui me faisait beaucoup de l'œil, c'était La Cité sans nom d'Hitler d'Argol. puisque du coup c'est un livre d'univers qui est système agnostique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système dedans, quoi, grosso modo. Et donc c'est vraiment, c'est un jeu de rôle qui va juste se déployer justement par l'existence de l'univers, par le fictionnel, quoi. Et à mon avis, bon, je pense qu'à l'époque c'était plus facile de dire tu peux mettre les règles que tu veux, mais je pense qu'à mon avis la cité sans nom. Alors je te parle sans l'avoir lu, il faut vraiment que je le procure en fait, même à chaque fois que j'y pense, parce que c'est un livre qui me fait vraiment fantasmer. Peut-être que j'ai peur, tu vois, d'être déçu tellement je fantasme ce bouquin, c'est de ça. Mais je pense qu'il tient très, il tient tout à fait sans règles, quoi. Le sans règles, c'est un truc qui me fascine depuis quelque temps. Et c'est cette idée que tout va tenir par le monde, par la narration, que derrière, on n'a pas besoin de lancer des dés, tout ça, parce que tout est... Tout, que la, fic, la, une, la, fi, que la fiction est ludique en elle-même, quoi. Et du coup, bah, si tu lis, pour moi, si tu lis La Cité sans nom, tu fais déjà une expérience de jeu de rôle solo, c'est-à-dire que tu vas te promener dans les quartiers de La Cité sans nom, tu vas interagir avec ses habitants, tu vas essayer de percer ses mystères, quoi. Donc il y a vraiment une expérience immersive très riche qui peut être proposée par ces bouquins, et c'est effectivement un peu plus frustrant quand tu as l'habituel sandwich, univers, règles, tout ça, qui va un peu casser ton immersion par le fait que tu dois repasser sur de la mécanique et tout. Après, attention, hein, je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien s'immerger dans la mécanique et voir, parce que la mécanique aussi a des choses à raconter, mais donc là, je te livre juste mon ressenti personnel, quoi. Et du coup, pour rentrer dans ton univers, un gros et un petit. Alors, un petit très costaud, c'est Nervure. En fait, Nervure, c'est un jeu de cartes. T'as 150 cartes et tu as ces portraits là comme ça de personnes marginales que tu peux utiliser comme personnage. Et derrière, tu as plein d'idées, tu as des questions orientées, tu as des scènes, tu as des bouts d'univers et tout. Alors déjà, avec ça, c'est quasiment inépuisable, hein, déjà ça. Et puis, un gros, bah, je vais le relancer. Bah, il est encore très potentiel, il n'est pas fini. Mais voilà, le projet final, ce sera vraiment Biomass avec cet énorme bouquin qui va te. Voilà, qui va être l'expérience, pour le coup, de Un lecture gros ergodique fini, parce suprême, qu'on te quoi. connaît, ça va Ouais, prendre encore c'est 5 ça, ans, ouais. un grand fini. Mais on peut déjà avoir un aperçu de ce que ça va être, puisque tu as le premier module, les forêts limbiques, qui est dispo, donc on voit la mécanique, il y a même déjà des auteurs, des autrices qui s'en emparent, qui font leur propre module. Ok, et ben on peut arrêter là si ça te va. Et là, ça va être très bien.